C'est une danse exquise que jadis la marquise dansait avec son cavalier, fier chevalier. C'est une danse à ses fadaises. D'autres danses me plaisent et livrons-nous un moment au plaisir charmant de nos danses anglaises. Tous les danseurs qui vous s'enlacent avec fureur mais non sans grâce et plein d'entrain ont tout l'envie. On ne fait qu'un, le cœur chavire, et voilà de toute évidence comment se danse une vraie danse. Avec fureur, l'amour, mais non sans grâce, et plein d'entrain, on tourne en vie. On ne fait qu'un, le cœur chavire. Voilà, voilà qui renverse les des danseurs.